Et c'est en compagnie de Valérie Levé qu'on poursuit cette édition des Matins éphémères, édition du mercredi 15 avril. Valérie Levé, elle est journaliste scientifique. Elle est aussi animatrice de l'émission Futur Simple. Bon, qui est sur pause, comme la plupart de nos émissions ici à CKRL, mais tout de même, on a le grand bonheur de l'entendre avec nous aux Matins éphémères. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline et bonjour aux auditeurs de CKRL et un bonjour particulier à mes deux auditeurs confirmés du bois persan de l'autre côté de l'Atlantique. Oh, c'est très chouette. On les salue avec grand bonheur. Valérie, ce matin, on va se divertir un peu là en observant les oiseaux. Pourquoi pas? On les entend bien chanter là. Il n'y a pas de feuilles dans les arbres et on peut même les observer. Et tu nous proposes de participer même à un programme en fait de science participative. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, j'ai eu cette idée-là parce que toute notre attention est concentrée sur la COVID-19, mais je crois que c'est quand même bénéfique pour le moral de s'en détacher un petit peu, oui, puis de se procurer des moments de déconnexion. Et il y a un moyen vraiment utile et agréable de le faire, c'est de participer à un programme de sciences participatives en observant les oiseaux. Alors, ce programme, ça s'appelle « Des oiseaux à la maison ». Et il a été mis en place par le regroupement Québec Oiseaux et les Fonds de recherche du Québec. Et l'idée, c'est tout simplement d'inviter les gens à observer les oiseaux et à rapporter ces observations dans une banque de données qui va servir aux scientifiques. Et pour observer les oiseaux, Valérie, là, je vais poser la question qui tue, mais on doit sortir de chez nous, non? Eh ben non, justement, c'est que dans le cadre du confinement, le programme propose d'observer les oiseaux à partir de chez nous, donc à la fenêtre ou au balcon ou dans la cour, pour ceux qui ont la chance d'avoir une cour. Et les oiseaux incluent aussi les oiseaux en vol dans le ciel. Et si on connaît les chants d'oiseaux, ça inclut les oiseaux qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Alors, si on parle de sa fenêtre ou de sa cour, disons, dans une proximité, on va voir des oiseaux qu'on a l'habitude, des oiseaux habituels, finalement. Alors, c'est peut-être pas divertissant ou peut-être comment trouver le divertissement dans tout ça? Mais les oiseaux habituels, est-ce qu'on sait vraiment identifier les oiseaux de nos villes? Parce que, il y a les étourneaux, il y a des oiseaux noirs, des étourneaux, des corneilles, mais est-ce qu'on sait toujours les identifier? Et on peut parler des moineaux, mais il y a aussi les bruyants chanteurs. Est-ce qu'on sait faire la distinction entre le moineau et le bruyant chanteur? Il y a des roselins aussi qu'on peut peut-être confondre, puis on peut aussi voir des chardonnerets, puis d'autres. Alors, c'est peut-être l'occasion d'apprendre à reconnaître ces oiseaux de nos villes. Et ensuite, faut pas oublier qu'on est en période de migration. Donc, les oiseaux, eux, ils ont pas la COVID-19, ils sont pas confinés. Ouais. Donc, ils vont remonter du sud vers le nord pour aller nicher. Puis, certains vont faire un arrêt dans nos régions avant de monter plus au nord. Puis, d'autres oiseaux qui vont passer l'été sous nos latitudes, mais dans les bois. Et pour le moment, les bois sont dans la neige. C'est pas terrible pour les oiseaux. Donc, ils font un arrêt en ville avant d'aller dans les bois. Donc, outre les oiseaux habituels, c'est aussi l'occasion de voir des oiseaux migrateurs ou des oiseaux qui se cachent habituellement en forêt et qu'on voit pas en ville. Est-ce qu'il faut avoir, ou en tout cas, ça suppose qu'il faudrait avoir des connaissances pour identifier ces oiseaux-là? Pour bien faire les choses, le regroupement Québec Oiseaux a préparé un guide illustré qu'on peut télécharger avec les principaux oiseaux qu'on peut voir de chez nous. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des modèles d'oiseaux à colorier. Donc là, ça devient une activité à faire en famille. On peut se poster à la porte patio ou au balcon avec le guide sous les yeux. On identifie les oiseaux qui viennent chez nous et ensuite, on télécharge les modèles à colorier puis on les colore avec les enfants. Oh. Et on peut répéter l'activité pour voir si ce sont les mêmes oiseaux qui sont venus aujourd'hui, qui vont venir demain à la même heure, par exemple. Et dans 10 jours, quand la migration va s'avancer davantage, est-ce que ce sera les mêmes oiseaux il y a des oiseaux qui vont remonter du sud et est-ce qu'on va voir de nouveaux oiseaux? Donc, ça peut changer de jour en jour. Et toi, est-ce que tu t'es prêté au jeu? Oui, je me suis prêtée au jeu pour voir d'abord si la plateforme fonctionnait bien quand même avant d'envoyer les auditeurs là-dessus. Donc, hier matin, après le déjeuner, je me suis installée à la porte patio entre 8h30 et 9h30. Alors, j'ai vu 5 kiskals bronzés, j'ai vu 4 juncos ardoisés, 2 roselins familiers, 2 bruyants chanteurs et un chardonneret. Alors, j'aurais pu voir aussi des mésanges. J'aurais pu voir des mésanges aussi parce qu'il en vient souvent. J'aurais pu voir des mères, j'aurais pu voir un pic mineur. Mais hier, j'en ai pas vu. Peut-être que ce sera pour une autre fois. Dis-moi, sur une note un peu personnelle, est-ce que tu habites à la campagne? Je suis en banlieue à Beauport, donc moi j'ai quand même la chance d'avoir une petite cour, mais je me souviens que l'année dernière, j'ai passé une soirée à Montréal chez des amis sur le plateau, et sur le plateau de Montréal, donc on est en ville, et il y avait plus d'oiseaux chez eux que moi dans ma cour à Beauport. Bon, t'es quand même pas dans la campagne profonde non plus. Voilà, là. Donc on peut voir des choses quand même en ville. Oui, oui, oui, très certainement. Et là, il y a les bruants à poitrine blanche là qui vont peut-être arriver bientôt. Ben peut-être, oui, ils vont bientôt arriver. Donc, en premier lieu, on peut aussi voir bientôt les bruants à poitrine blanche. Donc, ça, c'est le petit Frédéric, hein, on connaît sa petite chanson. Oui. Oui, tu es Frédéric. On l'entend. J'osais pas la chanter, mais je l'entendais. Voilà, c'est ça. Et puis, il va y avoir les bruants à couronne blanche. Et lui, je l'aime bien parce que c'est un oiseau qui ne fait que passer au printemps parce qu'il s'en va nicher au nord, tout au nord du Québec. Donc, il y a une petite fenêtre de temps où on peut le voir passer chez nous au printemps et je le guette chaque année. Je ne l'ai pas encore vu cette année. Il n'est pas arrivé peut-être. Ouais. Alors là, tu as fait ces observations-là et j'imagine que tu as noté ces observations dans la base de données du programme. C'est ce qu'il faut faire? Oui, c'est ça. Donc, c'est la plateforme qui s'appelle eBird. Elle est développée par l'Université Cornell aux États-Unis et ça compile les observations de partout en Amérique du Nord. Et au Québec, c'est le regroupement Québec Oiseaux qui fait le lien avec eBird. Donc, il faut s'inscrire à cette plateforme, eBird. En fait, on passe par le site de Québec Oiseaux et on trouve toute la procédure à suivre. Et c'est en français et ça se fait en quelques clics. Et une fois qu'on est inscrit, on peut noter nos observations, où est notre site d'observation, à quelle heure on a fait nos observations et quels oiseaux on a vus. Et on peut aussi envoyer des photos pour documenter nos observations si on observe un oiseau vraiment particulier, un oiseau rare ou si on a l'occasion de faire, ou si on aime prendre des photos d'oiseaux. On peut envoyer ces observations et elles sont compilées à chaque fois. Et on peut voir aussi les observations, les oiseaux observés par d'autres ornithologue. Et bon, évidemment, on peut aussi aller dans d'autres, on peut faire des observations ailleurs que de chez nous, mais à ce moment-là, il faut respecter les mesures de distanciation physique comme partout ailleurs en ce moment. Oui, effectivement, il faut être quand même très prudent. Et à part de noter ces observations-là et bon, bien sûr, de les comparer à celles des autres, ça sert à quoi ce programme participatif? Ben, ça sert aussi à la recherche pour savoir comment se portent les oiseaux, parce que les scientifiques qui étudient les oiseaux, eux, ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas faire des observations partout sur tout le territoire. Donc, les observations des ornithologues amateurs sont très utiles pour suivre les répartitions d'oiseaux sur le territoire et aussi l'évolution dans le temps des populations d'oiseaux. Parce qu'il y a des oiseaux, il y a des espèces d'oiseaux qui sont plus abondantes que l'autre, et ça varie dans le temps. Alors, par exemple, il y a 20 ans, on parlait des moineaux, là, tout à l'heure, mais il y a 20 ans, les moineaux, c'était vraiment des oiseaux ordinaires qui pullulaient dans nos villes. Et maintenant, ben, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on en voit quand même beaucoup moins. Hein. Oui, exactement. Oui, j'ai vraiment porté attention cette année, et ça me frappe à quel point il y en a beaucoup moins. Non, c'est ça. Donc, avec des observations au fil du temps d'oiseaux qui nous paraissent ordinaires, communs, sans intérêt, comme les moineaux, mais en fait, pourquoi il y a eu, comment s'est fait ce déclin des moineaux? Les scientifiques peuvent documenter le déclin à partir des observations de monsieur et madame tout le monde. Ouais. C'est pareil pour les hirondelles, hein, qui sont moins nombreuses maintenant qu'avant. Avant, au printemps, on voyait les hirondelles arriver dans nos banlieues, mais maintenant, sortir loin à la campagne pour les voir, les hirondelles. Oui, effectivement. Donc, et est-ce que les changements climatiques, avec les changements climatiques, on peut s'attendre à d'autres changements? Parce que j'imagine que c'est ce qu'on pointe du doigt, là, les changements climatiques. Ben, pour certains, je ne sais pas si c'est les changements climatiques qui sont la cause de la disparition des moineaux ou des hirondelles. Je pense qu'il y a d'autres causes sous-jacentes. Mais c'est sûr qu'avec les changements climatiques, on peut s'attendre à ce que certaines populations qui vivaient plus au sud, certaines espèces d'oiseaux qui étaient plus au sud, montent vers le nord. Alors, par exemple, je ne sais pas non plus si c'est lié au changement climatique, mais je me souviens qu'il y a 20 ans, on ne voyait pas de cardinal dans ma rue à Beauport. Ouais. C'est le cardinal, c'est un bel oiseau rouge. Rouge, il y en a pas mal ça. À Montréal et à Gatineau, mais en ville à Québec, moi, je n'en voyais pas auparavant. Et depuis quelques années, on en voit à Beauport. Alors, mon observation à moi toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose, mais si d'autres font une observation similaire, alors là, c'est peut-être pas un hasard, et les scientifiques, eux, en compilant toutes ces observations qu'on va rentrer dans la base eBird, vont pouvoir tirer des tendances. Ah oui, c'est intéressant. Et puis, il y a un autre exemple aussi qui commence à être assez bien documenté maintenant, c'est celui de l'urubu à tête rouge. Lui, c'est, ah, il fait partie de la famille des vautours. C'est un oiseau qu'on voit planer au-dessus des escarpements rocheux. On en voyait rarement à Québec il y a 20 ans. Et maintenant, on en voit couramment sur la côte de Beaupré, par exemple. Et il monte jusqu'à Saguenay. Ah, donc, il migre vers le nord. Ouais. Donc, en plus de faire une belle activité qu'on peut faire en famille, c'est une façon aussi de faire avancer la science. On contribue à l'avancement scientifique. Ben voilà, exactement. Puis donc là, j'ai mis sur la page Facebook de Futur Simple un lien sur vers le site de Québec Oiseau pour trouver toutes les informations pour si on veut participer. Et puis il y a aussi donc cette activité, ce programme a aussi son propre groupe Facebook. Alors j'invite les auditeurs à aller visiter ces informations-là s'ils veulent participer. Très intéressant, Valérie. Je sais que ce programme-là existe aussi, puisqu'on en avait parlé avec Christian Carles en astronomie aussi, pour ceux qui ont envie de se tourner vers les étoiles avec des télescopes, même si c'est des petits télescopes. Ouais. C'est possible de le faire, je pense, dans différentes sphères scientifiques. Ah oui, c'est certain qu'il y a d'autres programmes comme ça de sciences participatives dans différents domaines. Je sais qu'il y en a aussi en observation sur les bibites qui vivent dans les cours d'eau. Il y en a aussi sur le monarque, je crois qu'il y a des observations qui se font de la maison sur le monarque, le papillon. Ah oui. Mais là, c'est les oiseaux qui arrivent, oui. Alors profitons-en. Voilà, exactement. Valérie, merci infiniment. C'est très agréable et on va relayer cette chronique sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Bonne journée à toi et bonne semaine. À vendredi.